بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الناظم وهو الإمام البيقوني رحمه الله تعالى أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يا plusieurs روايات بعضهم يقول ولم يشد ولدغ يشد ولم يشد أو يعل وبعضهم يقول ولم يشد أو يعل نعم والمعنى سلام وسيأتي معنا معنى الشذود. قال رحمه الله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا القسم الأول وهو الصحيح. قال الشارح وهو الشيخ سعيد رحمة الله عليه قال بعد أن أشار الناظم رحمه الله إلى أقسام الحديث التي تضمنها نظمه نعم après avoir cité que on avait vu dans le درس précédent plusieurs أقسام قال شرع في سردها وذكرها شرع أي بدأ في ذكرها قال فبدأ بأشرفها وأعلاها مرتبة ومنزلة مع حده تقدم معنا معنى الحد الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره حد أي delimité avec une définition حتى tu différencies ce قسم d'un autre. قال مع حده الذي يميزه عن غيره وهو الحديث الصحيح. كذلك سامونت حسن الترتيب والتأليف. commencer par الأهم والأعظم والأفضل. لهذا الإمام البيقوني وغيره من أئمة الحديث في هذا الفن المصطلح يكمنس دائما أو في الغالب الصحيح. قال والصحيح خلاف السقيم هذا في اللغة والسقيم معروف سالمرض أو المريض والصحيح سالكونتخير. قال ابن منظور في اللسان أي لسان العرب قال والصحة خلاف السقم أو السقم on emploie ce mot la bonne santé c'est le contraire de la maladie c'est le contraire de la bonne santé. قال وذهاب المرض وهو أيضا البراءة من كل عيب وريب ساس في اللغة. قال هذا معناه في اللغة. نحن نركز plus dans les tarifs sur التعريف الاصطلاحي لكن connaître التعريف اللغوي c'est مهم لأن il y a un lien في الغالب il y a un lien في الغالب entre le تعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. فهنا مثلا الصحيح لغة كما تقدم c'est le contraire de المريض. ça va te montrer أن الحديث صحيح il a pas de défaut il a pas de défaut لأنه il est صحيح il a pas de comme on va voir de علة il est pas شاذ il a des شروط. faire le lien entre le تعريف اللغوي et الاصطلاحي ça t'aide pour comprendre التعريف الاصطلاحي. قال هذا معناه في اللغة. قال وأما بالاصطلاح في الاصطلاح أي عند المحدثين dans ce fin dans cette matière الصحيح va avoir une معنى. تعلمون أن par rapport à la matière ربما le تعريف change. فالصحيح مثلا عند الأطباء ça sera pas comme le صحيح عند أهل الحديث أصحاب المصطلح مصطلح الحديث. à chaque fin par rapport à la matière tu auras une compréhension de ce terme. قال وأما بالاصطلاح فما ذكره الناظم هنا ما ذكره الناظم أي أولها الصحيح وهو ما اتصل في الصحيح هو ما اتصل أي الحديث المتصل إسناده ولم يشد أو يعل ثم يكونتينيو يرويه عدل ضابط عن مثله أي عدل عن عدل عن عدل قال معتمد في ضبطه ونقله يفوق سراويس ومعتمد أي سسوان الثقة إذا نظري زيتودي ولله الحمد شروط شرطا شرطا قال والمتأمل فيه أي المتأمل في كلام البيقوني celui qui médite sur ces deux vers il va remarquer et il va retirer les conditions pour que le hadith soit sahih قال يرى أنه ما جمع شروطا خمسة قال أذكرها مرتبة كما هي في عبارة ابن الصلاح لأن الترتيب دول بيقوني نعم il est contraire à celui d'Ibn al-Salah et celui d'Ibn al-Salah il est afdal il a cité al-aham fal-aham أما البيقوني ربما il a pas cité l'ordre qui est معروف لأنه c'est une poésie et تعلمون أن la poésie pour faire des rimes أحيانا t'es obligé de قدم d'أخر ولو si al-aham il devait être avant لكن الشعراء معروف pour respecter les règles de poésie ربما يقدم ربما يؤخر بل même les règles de نحو أحيانا ربما الكلمة مرفوعة لكن هو il la récite منصوبة il sait très bien que c'est مرفوع لكن pour respecter les règles de شعر il s'autorise مثل هذا هذا c'est معروف عند أهل العلم قال أذكرها مرتبة كما هي في عبارة ابن الصلاح ça te montre أن كتاب ابن الصلاح c'est la référence في هذا فلهذا كثير من المؤلفين il s'adapte au tertib de l'imam أبو عمرو ابن الصلاح رحمة الله عليه قال وإلا فالناظم قدم وأخر بعض الشروط مراعة للنظم هذا مراعة للنظم أي pour respecter les règles de شعر فلهذا مثلا الإمام البيقوني يقول أولها الصحيح هو ما اتصل هذا تمام c'est le premier chant إسناده ولم يشد أو يعل شيخ سعيد il va prendre le tertib de Ibn al-Salah rahmatullah alayh et il va citer adalat al-rawi avant amma al-bayquni lam ya'adalat al-rawi après qali yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi wa al-haqiqa la yadur hada le tertib il y a pas un tertib précis l'essentiel c'est que tu comprennes les 5 shurut les 5 shurut et tu sais les appliquer hatta c'est un hadith tu pourras comprendre حكم العلماء pourquoi ils disent il est sahih en appliquant les 5 شروط هذا c'est ça l'essentiel قال أما الشروط فهي إن الله cité 5 قال الأول اتصال السند et c'est ça le premier شرط et vous allez voir que beaucoup des أقسام que l'imam al-Bayquni va citer il va te démontrer que ces أقسام ne respectent pas ce شرط اتصال السند كالمنقطع Vous allez voir qu'il y a un problème في اتصال الاسناد كالمعضل كالمرسل tout ça c'est des hadith ou des catégories le problème on va voir c'est des catégories من باب الضعيف et vous allez voir que le problème c'est في هذا في اتصال السند فمن شروط الصحة le premier شرط اتصال السند il ne faut pas qu'il y ait de coupure dans le سند أي فلان عن فلان عن فلان il faut que chacun il a entendu de son shir ou il a rencontré son shir on verra certains shurut ou vous verrez dans d'autres kitabs lakin un aperçu général al-an sans rentrer dans les détails il y en a par les ulama ils ont des shurut tu n'es pas obligé de l'entendre lakin l'essentiel c'est que tu l'as rencontré au moins une fois shart al-imam muslim fi sahih ma'ruf amma al-bukhari la rahmatullah alayhi il a un shart la bout que il entende ce hadith min tout ça vous verrez dans les prochains livres amma al-muhim huna c'est qu'il y a pas de coupure amma mathalan واحد يرابورت ان حديث راوي اي il est pas de la même époque que son cheikh il a jamais entre lui et son cheikh il y a 200 ans مثلا هذا انقطاع c'est pas son cheikh اولا نحن on a dit lui et son cheikh لكن العباره الصحيحه entre lui et celui dont il rapporte le hadith مثلا il y a 200 ans enfin là cheikh qu'il l'a pas rencontré là cheikh qui vivent pas la même période entre lui et ce rapporteur 200 ans là cheikh il y a un fossé là. D'où il a entendu ce hadith? Enfin, il n'a pas entendu de cet homme, de ce rapporteur. Il y a une très longue période entre les deux. فَلِمَادَ يَدِي عَنْ فُلَانَ. Tu verras que ce hadith, il n'est pas sahih. C'est ça, il te sort le salat. Amma, les célèbres hadiths qu'on a, مثلاً, عَنْ مَالِكَ, l'imam, rahmatullah alayhi, ou قال l'imam Malik, عَنْ نَافِعْ, عَنْ ابن عُمَرْ. الآن, il y a اتصال سند واضح. L'imam Malik, il a pris عَنْ نَافِعْ, نَافِعْ, il a pris عَنْ ابن عُمَرْ, ابن عُمَرْ, il a pris عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. C'est ça l'اتصال. Amma, si un problème في الاتصال, l'اتصال, c'est la continuité. Il faut que chacun, il a pris de son chien. S'il y a un problème avec ça, il manquera un short de ce hadith. Et ça donnera des aqsam de hadith da'if. Vous verrez que s'il en manque plusieurs, deux, trois, ça s'appellera le mu'adhal. S'il en manque un, ça s'appellera le mun-qati'. Et ça va. Qala, al-awwal ittisal al-sanad. Taqaddam ma'ana ta'rif al-sanad, ou sayati. Naam, sayati. Ils disent al-sanad et ils disent al-isnad. C'est le même mot. Qala, ittisal al-sanad wa ma'ana an yakoun. كل راو سمع مروية من شيخه من أول السند إلى آخره. Et bien sûr, l'ittisal, il doit être du début du sanad jusqu'à la fin. Jihad al-Sahabi, il n'y a aucun problème. Sahaba, ils ont rencontré un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou, s'il n'a pas pris directement un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris d'un autre Sahabi. Wa ta'alamun anna Sahaba kulluhum udul. Fait Jihad al-Sahabi, il n'y a aucun problème. Est-ce que celui qui est avant Sahabi, التابعي est-ce qu'il a entendu من هذا الصحابي est-ce qu'il l'a rencontré أما s'il l'a jamais rencontré مثلا الصحابي il était في المدينة التابعي il était en Irak الآن il faut voir c'est ça l'étude de l'Isnad ثم après التابعي est-ce qu'il l'a rencontré وهكذا أحيانا ينقطع واضح مثلا الصحابي مثلا ابن عمر avant lui il n'y a pas de تابعي c'est directement un autre. Et là, je sais que entre ces deux générations, il y a des années. Ils n'ont pas pu se rencontrer. Il y a un qita'a. Ouais. Qala, wa ma'na, an yakun, kullu rawin sami'a marwiyya min shaykhihi min awwal al-sanad ila akhirih. Qala, wa khulasatuh, an yaslam al-insan. C'est un khata, al-isnad. Corrigez, mettez al-sawab al-isnad. Allahu alam, cette malzama. Comme les certaines malazimes qu'on a étudiées, quand c'est pas imprimé, en forme de livre, c'est des photocopies qu'on a faqat, quand c'est pas imprimé en forme de livre, vous trouvez beaucoup d'erreurs. Limada, liana, rubama, c'était la copie qui n'a pas été corrigée. Falihada, beaucoup de rasa'il qu'on avait fait, hakada, il y avait des erreurs. Qal wa khulasatuhu an yaslam al-isnad min as-saqt. Qal dhakara dhalika al-khatib fil kifaya. Donc, vous avez compris, ou vous connaissez l'un, le premier shart, ittisal al-sanad. On ne détaillera pas, nous, comme nous l'avons dit dans le muqaddima, mais tout ça, ça demande des détails. Mais quels les prochains livres ? Un tome, l'un, tu comprends le shart, tu as un aperçu général, ittisal al-sanad. C'est qu'il n'y a pas de coupure dans toute la chaîne de transmission. Foulan, un foulan, un foulan, chacun, il a entendu de son shir. Qal wal isnad. Et ça c'est muhim. Il te cite l'an le tarif du isnad. Ou sanad. Qala huwa silsilatu arwa al-mousila ila al-matn. Donc tu as deux choses. Après on aurait un tableau, ça aurait été tayyib. On se rattendra un. Tamam. Ghadan. Ghadan, inshallah, on commencera. L'anna hada al-ilm. C'est bien de faire des schémas. Hatta tara. Amma faqat parler. La théorie, ahyana, la tatasawwur. Amma, avec des schémas montrés, khasatan, quand on fera les doros sur le mu'adhal, etc. Inch'Allah, si on a un tableau, tamam. Demain, Inch'Allah, on utilisera le tableau. Amma, l'an, on revient à deux choses. T'as l'isnad et t'as l'matn. L'isnad, c'est la silsila, peut traduire par chaîne, de narrateur, al-mousila et al-matn. Aïe, jusqu'au matn. L'imam Malik, rahmatullah alayhi, il rapporte « An-Nafi'a ». Souvent, fait le Muwatta. Et l'imam al-Bukhari, souvent, il cite cette chaîne de transmission. Lakin, il cite deux narrateurs, ou un avant l'imam Malik. Nous, on prend l'exemple de le Muwatta. Il est plus simple. Les chaînes de transmission, elles sont très courtes. L'imam Malik, il était proche de Sahaba. Entre lui et Sahaba, il y avait un raoui. L'imam Malik, « An-Nafi'a ». Nafi'a, c'est parmi les grands élèves d'Ibn Umar. Il rapporte à l'Ibn Umar. Il dit « سمعت ابن عمر أو عن ابن عمر. ابن عمر إدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبال ce hadith c'est le matin. Cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم أو cet acte c'est le matin. Pour arriver au matin t'es obligé d'avoir une chaîne de rapporteurs. لماذا لأن أنت t'as pas vécu à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est quoi qui prouve que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait telle chose ou dit telle chose? C'est ce sanad. On cite un ta'rif de le matin, Lianahuna il a pas cité. Amal isnad, vous avez compris, c'est le silato arwa al mousila ila al matn. C'est ça un isnad. C'est une chaîne de transmission de rapporteurs qui va te conduire jusqu'au matn. Fulan, an fulan, an fulan, qala le Nabi صلى الله عليه وسلم, le matn. Al-an, c'est quoi un matn? Dans notre matière, nous, Mustalah al-Hadid. Qala, akhouna Cheikh Hussein, habidah Allah, qala al-Tibi, rahimahullah, al-Tibi, il a un charha ala Sahih al-Bukhari. Qala huwa al-Fad, al-Hadid, al-Lati yakoum biha al-Ma'na. C'est ça un matn. C'est l'Al-Fad. Al-Fad al-Hadid, al-Lati yakoum biha al-Ma'na. Ce lafd t'aura une ma'na. Matalan, innama l'a'malu bin niyat. C'est un lafd. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a cité ce hadith. Ça, c'est un matin. Ce matin, tu auras une ma'na. Et bien sûr, tu vas retirer des ahkam, des fawa'id. Ma'rouf, kalam al-Nabi alayhi salatu salam. Fa le matin, c'est le hadith lui-même. Kalam al-Nabi sallallahu alayhi salam. Al-Isnad, c'est la chaîne de transmission qui nous a conduit à ce matin. Al-matin, huwa al-fad al-hadith. Al-lati yaqoum biha al-ma'na. C'est un tarif طيب للمتن. On relit l'an, après avoir compris ce tarif, قال الشيخ رحمه الله والإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. قال هو الحافظ في نزهة النظر. On vous avait dit أن من أحسن التعريف في هذا العلم العظيم علم المصطلح parmi les meilleurs tarifs ceux de الحافظ بن حجر خاصة dans son كتاب النزهة. فيستفاد منه dans les ta'arif. Et العلماء qui viennent après lui يستفيدون منه. قال وإلى اتصال السند أشار الناظم بقوله هو ما اتصل إسناده. Donc premier شرط اتصال السند. Inch'Allah quand on citera le mithal à la fin du dars on appliquera les 5 شروط. أما الآن la théorie. Tu comprends les ta'arif et t'as un aperçu. ثم التطبيق. C'est مهم في علم الحديث هذا. كذلك يزود علوم كالأصول والقواعد والنحو علوم الآلة c'est important de تطبق sur des أدلة. لماذا؟ لأننا on a déjà expliqué أن علوم الآلة c'est un outil pour comprendre الدليل البرهان. C'est مهم هذا. أما faire de la théorie فقط sans appliquer c'est un خطأ. فلهذا dans les دروس qu'on a fait في القواعد on a beaucoup appliqué ولله الحمد. On citait une قاعدة ثم on appliquait avec des مسائل. هكذا هنا. C'est un خطأ de lire فقط. لا. C'est pour ça qu'en utilisant le tableau, inshallah, ça vous facilitera أكثر. On cite أولا la théorie, ثم on applique avec des أمثلة. Donc premier شرط اتصال السند إلى السهل. Deuxième شرط قال والثاني عدالة الرواة أو عدالة الراوي. Deuxième شرط et il est مهم. C'est quoi le lien entre le deuxième شرط et le premier عندما عدالة الراوي et le premier اتصال السند. Il y a un lien entre les deux شروط عندما l'un va pas sans l'autre. أحسنت. L'un va pas sans l'autre. Le premier اتصال السند أي t'as une chaîne de rapporteurs مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ça c'est une chaîne. Est-ce que dans le premier, il a cité un de ses rapporteurs, ça doit être des thiqas? Là. Lui, il te cite, il faut qu'il y ait une chaîne. Le deuxième, il te précise, cette chaîne, vu qu'elle est faite de rapporteur, ce rapporteur, il faut que ça soit un adl. Donc, il y a un lien. Tu es obligé d'avoir été ça le sanad, et vu que ce sanad, il est fait de plusieurs rapporteurs, ces rapporteurs, ça doit être des udoul. Udoul, le pluriel de adl. Et on va voir c'est quoi un adl. Qal wa thani, adalatul rawi. العدالة معروف أي سواء عدل إذ غير العدل قد يحمله فسقه على الكذب وتحريف الرواية وتغييرها لضعف imanihi wa qillat khawfihi wa wara'ihi. Avant d'expliquer l'adala, il te cite pourquoi c'est un shart. Al-adala, c'est une personne de confiance, un narrateur de confiance. Pourquoi c'est un shart? S'il n'est pas de confiance, Rubbama, il va mentir. Rubbama, pour appuyer son batil, il va déformer le hadith. Ça arrive beaucoup. Falihada, al-ulama, ils ont rejeté al-roi min al-rafida. L'ennahum, c'est min akdab al-nas, comme il a démontré Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahmatullah alayhi. Leur kadhib, et leur kufr, et leur fisb, et leur dalal, il les a poussés à déformer des hadiths. Ils mentent sur Uthman, ils mentent sur Omar. Ils font du rouleau, ils exagèrent sur la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce shart, il est muhim. كذلك on a donné un exemple extrême في الحقيقة الرافضات des كفار بالإجماع لكن حتى الفاسق العلماء رجت ce hadith. C'est un فاسق لأن العلماء ils ont fermé la porte pour préserver cette ni'ma hadith النبي عليه الصلاة والسلام. Ils prennent pas de risque. ربما un فاسق il dit le حق. فلهذا قال عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن لابد من التبيين لابد من التحقيق لكن العلماء الآن est-ce qu'ils peuvent يتأكدون لا مثلا الإمام البخاري رحمة الله عليه il a ضعف certains رجال qui sont morts avant lui il te dit ce hadith il est pas صحيح لهذا il le met pas dans صحيح البخاري est-ce qu'il peut demander est-ce que là l'homme il est mort enfin il prend pas de risque homme. Quand واحد y a un doute ou c'est un فاسق il est connu pour le fisc le hadith il est ضعيف لأن فيه فلان. Ça ne veut pas dire que le matn, si le rawi les hadith, on fait une précision, ça ne veut pas dire que le matn il est forcément daif. Kayf hada? T'as un isnad, il y a un rawi daif. Est-ce que ça implique que le matn il est daif? Indak? Non. Li hada? Ahsan, qad ya'ti. Imma le même isnad. Lakin ce rawi qui est daif, il est appuyé par un autre. Matalan, ils ont trouvé le même isnad sur daif, ils ont trouvé une deuxième chaîne de narrateur avec ce daif, il y a un thiqa qui rapporte. Khalas, on enlève le daif et on rapporte la chaîne de transmission avec le thiqa. Ou une chaîne de transmission complètement différente qui appuie l'autre. On verra hadaf al-hasan. Donc ça c'est un tambi. Da'af al-rawi, ça implique pas forcément da'af al-matn. Là, tu peux trouver une vingtaine de chaînes de transmission. Les ulama ils disent le hadith il est hassan, ou sahih, avec toutes ces chaînes de transmission. Voilà où il y avait des da'af. Kadhalik, il faut que tu comprennes une chose. Un da'af, il y a plusieurs degrés. Un kadhab, c'est pas comme un rawi qui est da'if. Il a un da'af yassir. C'est pas comme un kadhab. Un rafidhi, c'est pas comme un muslim fasiq. Là. Hada, inshallah, on verra dans le. Al-Mawdou' matalan, vous verrez que c'est rejeté à la kulli hal. Hadi, c'est mujarrad, fawa'id, et inshallah, ça viendra. Qala, wa qad ashara al-nazim ila hada al-shirk. Ça, khata, ila hada al-shart. Al-sawab, shart. Et ça, c'est pas des akhta min al-mu'allif. Ça, c'est des akhta fil kitaba. Si tu vérifies le clavier d'un ordinateur, tu verras que le kaf il est à côté du ta. Ça c'est une faïda. Hatta vous reconnaissez est-ce que c'est une khata du mot alif ou c'est une khata de celui qui a écrit. Fa'ala'alla al-katib il a voulu taper sur le bouton ta et il a tapé à côté kaf. Amma il n'y a aucune alaqa avec shirk huna. La shirk c'est shart. Qala. وقد أشار الناظم إلى هذا الشرط بقوله يرويه عدل يروي عدل ضابط عن مثله. Donc ce شرط il est مهم. عدالة الراوي. الآن c'est quoi العدالة? نحن on a compris أنه faut que ça soit un narrateur de confiance, faut pas que ça soit un menteur, faut pas que ça soit un fasiq, من باب أولى, faut pas que ça soit un kafir. لكن العلماء ils ont un تعريف. On le cite. قال والعدالة. Tu auras deux choses الآن. Tu auras Al-Adl, aïe le narrateur lui-même, et tu auras la sifa, Al-Adala. Al-Adala, c'est la sifa. Ou Al-Adl, c'est le narrateur lui-même. Qal, ou Al-Adala, hiya malakatun fin nafs, tahmilu sahibuha ala mulazamati taqwa Allah. C'est ça l'Adala. C'est quelque chose qui est dans le cœur, qui va pousser ce rapporteur à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il va s'écarter du kadib. Il va s'écarter du tahrif déformé. Il va s'écarter des doutes, du à peu près. Là, il va rapporter le hadith comme hu. Ta'lamoun anna c'est une mas'ouliya azima. Rapporter un hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam intentionnellement, il prépare sa place fin nar. Falyada ar-ruwa qui sont caractérisés par cette sifa al-adala, ahyanan il a un doute, il délaisse. Comme les ulama ils ont délaissé des hadiths, pas parce qu'il est daïf à 100% là, mais il avait un doute, il s'écarte, il ne rapporte pas. Non, l'imam al-Bukhari, est-ce que dans Sahih, il a cité tous les hadiths Sahih? Abadan. Mais pour lui, il avait des choses précises, il a cité ces hadiths, et beaucoup de hadiths, il ne les a pas cités, il m'a un doute, il m'a ça ne rentrait pas dans ses conditions. Ala kulli hal, c'est pour vous montrer un ulama, il reconnaissait cette responsabilité. Alihada, il ne prenait pas de risque, fait Adelbeb. Abadan. Anta kadalik. Fait Adelbeb, il n'y a pas du à peu près. Hatta pour rapporter un hadith bil ma'na, il y a des conditions. L'insan yantabi talib'in. Rapporte les hadiths, t'es sûr. Ça montre l'importance du hibb. Ou, si t'es pas sûr, ne te précipite pas. Bah, ikhwan, ahyanan, ils font une erreur. Khasatan, avec les moyens de communication, il écrit une chose, tout le monde y cherche, c'est un khata. L'ana t'ouvre un bab de char à la nafsik ou à la ghayrik. Là. Maintenant, tu discutes avec un frère. Tu veux citer un hadith, tu te rappelles pas. Ne te précipite pas. T'as le droit de lui dire, Inch'Allah, je te rapporterai le hadith plus tard. Tu fais tes recherches, comment tu lui cites le hadith bin nas? Probablement tu es capable de lui citer bin isnad. L'ana t'a fait des recherches. L'ana nahnu, on est dans une époque où al-hifd il est daif. Amma ahyanan, on fait des erreurs, on parle. Tumma, ça peut aller loin. Tumma, on fait des recherches. Tumma, on se rend compte que le hadith c'était pas comme ça. Ou c'est un hadith daif. T'ouvres une porte, t'es obligé de refermer cette porte par tauba. Et t'excuser. Ou ta'tadir. Et tu bayin. Ferme cette porte, mais l'asl. Quand il y a un mais l'être humain il fait des erreurs. Non, ça arrive des erreurs. Lakin, ce manhaj, toujours le à peu près, hadala. Al-an, on sait c'est quoi l'adala. Malaka fin nafs. C'est quelque chose qu'il y a dans le nafs qui pousse le rawi à craindre Allah Azza wa Jal. Donc, celui qui a cette sifa, c'est adl. Et l'adl, c'est huwa alladhi ijtanaba al-kaba'ir. Il s'écarte des kaba'ir. Al-zina wal-kadib wal-qatl wa. Tout ça, il s'écarte. Ama celui qui tombe dans ces choses, hukmu c'est un fasiq. C'est pas un kafir. Bien sûr, si cette kabira, c'est pas shirk, ou un naqid min nawaqid al-islam. Fahada al-adl ijtanib al-kaba'ir. Qal wa lam yasir ala al-saga'ir. والتقييد بالإصرار مهم أي الاستمرار لأن الإنسان كما تعلمون كلكم خطاؤون وفي الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار لا أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى إلى إبارني دو الصغائر فلهذا الإصرار دائما tous les jours il fait ses péchés, il ne veut pas faire tauba فهذا نعم سنة فاسق deux choses pour l'adl. Il s'écarte des grands péchés et il n'est pas régulier à faire des petits péchés. Hada, c'est un adl. Qala kama arrafahu al-Zarkashi fi nukatih wa shaykhuna muqbil rahimahullah fi sharh al-ba'ith wa zada wa atta min al-ta'ad bima yastatir. Et ça c'est muhim ce taqid de Sheikh Muqbil. Ça montre son fiqh rahmatullah alayh. Léanna rubbama il s'écarte de l'kabair et il s'écarte de l'sara'ir et rubbama certaines ta'ad il ne les fait pas. Voilà, la but, il s'écarte des dounoub et il fait atta'ad. Lakin, kama qal bi qadr ma yastatir. Kama qal azza wa jal, fattakullah ma stata'atum. Wa hadith abi huraira ma'rouf, wa ma amartukum bih, fa'tu minhu ma stata'atum. Fal'ad, cette adala kila. Al'an, on fait le lien entre l'adala et l'ad. Cette adala kila. Aïe, quelque chose dans son nefs qui le pousse à craindre Allah, ça va donner comme conséquence annahu il va s'écarter des grands péchés et il va pas être régulier dans les petits péchés. S'il glisse, il fait tauba et il regrette et ça lui fait du mal. Ça fait du mal à son cœur. Deuxième charte, adalatul rawi. Troisième charte, ou qabla dhalik, on lit la parole de l'imam Shafi'i, wa qala ash-Shafi'i fi ar-risala al-'adlu al-'amilu bi ta'atillah. ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل كالمبتدع كالفاسق. لأن المبتدع فاسق لماذا؟ لأنه يعصي الله ورسوله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو يكونتخدي منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك فاسق مبتدع منحرف. قال وهو بمعنى تعريف الزركشي وشيخنا الوادعي رحمه الله العدل العامل بطاعة الله. Donc deux choses, il fait العدل أي il applique السنة الطاعة، il adore الله سبحانه وتعالى tant qu'il peut et selon ses capacités. Deuxième chose, il s'écarte des ma'asi ou al-bida et min bab awla al-kufr. Donc premier شرط اتصال السنة، on a un sanad, une chaîne de narration. Deuxième chose, cette chaîne de narration elle doit être composée de thiqat, udul. Amma al-maratib, vous les verrez dans d'autres livres. Les degrés, les niveaux de adal. Troisième chose, dhabt al-rawi. C'est lié kadhalik avec le deuxième. Ce rawi qui est adl, kadhalik, il doit avoir un, comme ça y a-t-il, al-dhabt. Qal lianna al-rawi alladhi la yakun dhabitan. قد يقول قائل سيلي عدل il est forcément il a forcément le troisième شرط. لا، tu peux trouver un عابد il est loin des معاصي et il adore الله ليل ونهار ربما لكن il oublie. C'est ça الضبط. Il veut pas mentir لكن il oublie. Ça c'est le troisième شرط الضبط. فالعدالة الضبط ça va ensemble. قال لا يكون ضابطا لما يروي يقع في روايته الخطأ. نعم il se trompe. C'est quoi qu'il pousse à l'erreur contrairement au deuxième؟ C'est pas le bid'a, ou le kufr, ou le fisq. Là, il a une très bonne lien, mais il se trompe. Ça arrive, هذا. هذا, العلماء, كذلك, son hadith, ils ne le prennent pas en compte. Il n'est pas sahih. فلهذا, il faut bien comprendre, أن حكم العلماء على بعض الرواة, ça ne veut pas dire que ce rawi n'est pas bien. أبدا. نعيم ابن حماد, الخزاعي, c'est un imam من أئمة السنة. لكن, son hadith, il est ضعيف. لماذا? لأنه, il oubliait. أو يستخبى مع أنه سائم. قال لأن الراوي الذي لا يكون ضابطا لما يروي يقع في روايته الخطأ والزيادة والنقص، ومن كان هذا حاله لم يكن موثوقا به. لم يكن موثوقا به أي سبا من جهة دينه، لا نيفو الدين إلى صالح، ربما سائم، لكن ست فاي كلا لزبلي لزغر يبقى pas prendre son hadith لأن ربما يستخبى. الآن، vous avez compris أن العلماء ne prennent pas de risque في هذا الباب أبدا. لماذا؟ لأن c'est كلام الرسول. Ce isnad, ils vont mener un matn et le matn c'est كلام الرسول. العلماء ils ont fermé les portes pour pas que hadith Nabi صلى الله عليه وسلم soit déformé. Que ça soit avec intention ou sans intention, ils ferment la porte. قال وقد أشار الناظم إلى هذا الشرط بقوله ضابطا. قال والضبط. الآن c'est quoi الضبط؟ قال هو الحفظ. الضبط الحفظ. Il faut que ce rawi ça soit un hafid. أما يغبط il se trompe العلماء il rejette son hadith. قال وهو قسمان الضبط الحفظ. T'as deux catégories de حفظ. قال أولا الضبط الصدر الحفظ. أي ce حفظ c'est dans son cœur, sa poitrine. Il a appris par cœur la mémorisation. Le deuxième on va voir c'est الضبط كتاب. Il a mémorisé ce hadith ou il a préservé ce hadith en l'écrivant. Les deux c'est du hifz, les deux c'est mahfoud. Les deux ils sont capables de citer ce hadith. قال وهو أن يحفظ الراوي حديثه عن ظهر قلب. ظهر قلب je peux traduire par cœur. قال بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء أو طلب منه دون أن يحتاج إلى كتابه. Et c'est ça le hifz الصحيح. Et c'est dans ce hifz que nous on a un ضعف. قدر الله وما شاء فعل. Le hifz c'est ça. C'est quand on demande à ce rawi, cite le hadith, tu le cites, sans regarder le livre. Il est hafid, mutqin. Qala, yatamakkan min istihdari. Aïe, cite ce hadith, matasha, quand tu veux. Là où il est mahfoud عندك. Matalan, anta, la fatiha, elle est mahfoud عندك. N'importe quand, je te dis récite le fatiha, tu la récites. Avant de dormir, quand tu te réveilles, le jour, la nuit, le matin, le soir, avant salat, après salat. الفاتحة directement tu la récites. ماذا لأن المحفوظة تماما عندك. Deuxième, وهو ضبط كتاب قال وهو أن يصون الراوي كتابه بعد أن صححه على كتاب شيخه أو على كتاب قد صحح على أصل الشيخ من تطرق الخلل إليه من حرق أو تلف نعم أي السحدي il est préservé dans un kitab et ce kitab le cheikh de Sorawi il l'a vu, il l'a corrigé et le hadith il est mahfoud c'est comme s'il était appris par cœur. Lakin bien sûr ce kitab il est préservé min at-talaf ou robama de l'eau elle le ta'lamoun anna l'eau robama avec l'encre tu t'arrives mal à lire là faut que le kitab il soit mahfoud hada al ulama ibkhan qala aw an yadkhul fihi ma laysa minhu ila an yuaddi n'am ça arrive que des imams leurs livres ils sont tombés entre des mains de ba'd an-nas ça arrive maintenant un imam sans sunni son fils c'est un mubtadi' le père il meurt il avait des kutub tayyiba ses livres ils tombent entre les mains de ce munharif imma rafidi imma jahmi imma kharidi al ulama ces kutub ils prennent plus en compte l'imam les annas ils sont entre les mains de ce mubtadi' robama il a changé des choses et ça arrive al ulama il ferme les portes il rejette aïe de ce kitab là ce kitab il est plus en sécurité قال راجع نزهة النظر وفتح المغيب قال وهذه الثلاث الشروط c'est qui les résume الأول عندك اتصال emploie les mots qui sont cités اتصال السند أو الإسناد deuxième عدالة من الراوي عدالة الراوي apprenez الآن à partir d'aujourd'hui employez les mots الراوي dit pas رجل dit راوي Silsila, dis pas silsila, dis sanat. Hatta, vous avez l'habitude de ces mots, et nous, dès qu'on parle, on parle de la même chose. Hada, c'est mohim. Et tassal et sanat. Adalat al-rawi, athalit. Dabit. Dabit. Dabit al-rawi. Que ce soit un dabit, ay, un hafid. Yahfad ma yarwi. Ces trois chourotes, il faut les avoir pour un sikha. Al-an, il va deux chourotes, il ne faut pas les avoir. Deux chourouts, il faut les éviter. Trois chourouts, il faut les avoir. Les trois, on les a cités. Ittisal al-sanad wa adalat al-rawi wa al-dhabt. Al-an, deux chourouts qu'il ne faut pas avoir. Il faut que la chaîne de transmission, elle n'ait pas ces deux choses. Hatta le hadith avec les trois premiers chourouts, il devient sahih. Qala, wa hadhi thalath al-shurut allati sabaqa dhikruha hiya shurut yutlab wujuduha wa thubutuha. Donc, il faut les avoir. قال وبقي شرطان من شروط الصحيح وهما شرطان يطلب انتفاؤهما وانعدامهما وهما c'est deux choses que tu dois connaître il ne faut pas que le hadith sahih soit touché par ces deux choses premier et c'est le رابع notre quatrième شرط dans les cinq قال انتفاء الشذوذ et cette مسألة on va la voir en détail في الحديث الشاف إن شاء الله لكن on lit الآن والشذوذ هو المخالفة قال والمراد بالمخالفة مخالفة المقبول لمن هو أولى منها بالقبول بأن يكون أحفظ وأكثر عددا c'est un aperçu d'un قسم qu'on va voir à part enfin on le détaillera pas ici on le détaillera pas هنا الشذوذ c'est qu'un راوي il rapporte un متن un hadith un deuxième راوي il rapporte le hadith المشكلة الآن pas deux راوي les deux c'est des عدول donc ils rentrent dans les شروط un il dit telle chose un autre il le khalif celui qui khalif on l'appelle ash-shad il khalif imma un imam qui a plus de hifd que lui matalan un rawi qui est en dessous de l'imam malik et il khalif l'imam malik on prendra la parole de l'imam malik l'annahu il est ahfad et son dhabt il est aqwa le deuxième walaw sa'ad on dit il est shad donc on rejette son hadith ou al-adad matalan l'imam malik Soufiane, Al-Thawri, Soufiane ibn Uyayna. Il rapporte une riwaya. Un autre Sa'ad, il les khalif tous. On dit les chats. Léanna, l'imam Malik, l'imam Soufiane, ibn Uyayna, Soufiane Al-Thawri, Shu'ba, Al-Layth ibn Sa'ad, des grands a'imma, ils ont du hif plus que lui, du wara' plus que lui. Donc on prend le hadith. Ben, si un d'entre ceux-là est khalif, on prendra. Ma balouk, s'ils sont plusieurs. هذا celui qui khalif on l'appellera الشاذ c'est un adl lakin il khalif imma a'lam minh ahfad minh imma akthar minh Ça, c'est un aperçu de Al-Shudud. Ala kulli hal, on détaillera qalilan hada, liana ya qism fi hada. Ala kulli hal, dans nos shurut, il ne faut pas qu'il y ait un shad. Les mada, ils ont précisé hada. Qui c'est qui fait le lien avec le troisième shurut? Faddal. Il n'y a pas de yakun, yani, yukhalif bi nisb al-hid. Yani, yati bi ashya, ou shay naqis. Non. Et avec le Thani, avec le Shart Thani, l'imada, c'est important de citer la quatrième condition, intifa shudud, par rapport au deuxième, l'imada. Le deuxième, c'est Adala Tarrawi, que ça soit un rapporteur de confiance. Les Anna, Rubbama, et la Adala, c'est un Adl, lakin on repasse au hadith, les Annahu et les Shad. Donc ça ne suffit pas, si on n'aurait pas cité une tifa shudud, chaque adl tu dois accepter son hadith. Lakin nahnu sil an anna rubbama il est adl, lakin son hadith il est shad. On a une autre riwaya, elle est plus forte, les a'imma ils sont a'lam, ahfad, donc on délaisse son hadith. Fala aboud, la aboud que tu as les cinq. Mais si tu cites que les trois, rubbama il va avoir une contradiction. Cet imam il est adl, cet imam il est adl. Mathalan, remuer le doigt fit tashahud, c'est min hada le bab. A'imma, ils ont rapporté à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a fait Sahih Muslim, il ne remuait pas le doigt. Zaid ibn Qudama, rahmatullah alayhi, c'est un imam, c'est le sunnah. Et il est ma'rouf, inda ahl al-ilm. Et c'est un adl. Il a khalif et il a cité que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il bougeait le doigt. Si tu t'arrêtes aux trois shurut, c'est un adl. As-sanad il est muttasil. Et il a du dhabt, il a du hifd. Si tu t'arrêtes, comment faire? Si tu viens appliquer les conditions sur une, tu l'as compris, tu verras que Zaïda il a khalif man huwa a'lam min, wa ahfad min, wa akthar minhum, akthar min. Aïe, ulama, Cheikh Mokbil les a cités fi as-sahih al-musnad. Ulama, plusieurs. Donc, hadith Zaïda via hadal had, il manque cette condition. Ou, plutôt, il est shad. Il est shad. Et cette condition, elle est maujoud à vie. Il a khalif man huwa a'lam min. Malgré que les trois conditions, elles sont présentes. Elle est tosal. Wal adala, wal dhab. Lakin, il est shad. Et c'est ce qism, al-shad, al-ulama, ils ont donné beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ilal Daraqutni, Ilal ibn Abi Hatim, tous ces gros livres, c'est fi hada. Al-ilal, wal-shudud, c'est deux aqsam où al-ulama, ils ont donné beaucoup de temps et c'est le plus compliqué. C'est très simple. Tu dis, Fulan, il est shad. Aïe, c'est une exception. Aïe, il contredit les autres. C'est ça, shad. Fais l'ura. Ama fil hadith, taqaddam. قال راجع النكت للحافظ ابن حجر وقد اشار الناظم الى هذا الشرط بقوله ولم يشد. Et dans une riwaya, ولم يشد. خامسا, le cinquième شرط, انتفاء العلة. Et c'est ces deux points, Al-Shudud ou Al-Illah, on a dit, il faut la patience fi ilm al-hadith. Et il y en a pour comprendre et pour trouver Al-Illah, c'est pas simple. Illa celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffaq. Qala intifa'u al-Illah wal-Illah hiya al-marad. Lughatan. Quelque chose, il y a une Illah, il y a une maladie, il y a un défaut, il y a une faille. C'est ça l'Illah. Qala wa amma au ma awjaba taghyiran. Naam. Cette Illah l'a provoqué un changement. Ça, c'est fil l'ura. قال وهي استراحنا العلة سبب غامض. تأمل قوله غامض. غامض, c'est pas quelque chose de واضح. Et c'est ça l'ishkal. Ou l'ulama, ils ont mis beaucoup de temps via del bab. لأن العلة السبب il est غامض. الضعف, tu peux le classer en deux catégories. Un ضعف واضح. On va voir maintenant dans le sanad, il y a un rafidi. N'importe quel muhaddith, il va dire ce hadith, il est ضعيف. C'est pour ça que tu trouves ijma' rubbama sur ضعف هذا الحديث. C'est du kadib واضح. Tu trouves un ضعف à cause d'une illa ghamidha, c'est pas واضح pour tout le monde. فلهذا العلماء يختلفون. Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi dit hasan ou sahih. Cheikh Mokbil dit mu'alla ou ضعيف. Avec les recherches, il a trouvé cette illa que l'autre savant il a pas trouvé. Ou l'axe, l'imam Al-Albani dit ضعيف, Cheikh Mokbil dit hasan. Cheikh Al-Albani il a donné du temps, il a fait des recherches plus, il a trouvé cette illa. Lakin al-ilal, on donnera des exemples dans, quand on arrivera à ce qism, et vous verrez que il faut du temps et rassembler les isnad et lire les livres, lire à quoi l'ulama, hatta il trouve cette illa. Alihada qala al-imam Ali ibn al-Madini, rahmatullah alayh, law al-awam, il saurait le travail des muhaddithin, khasatan fi hadha al-bab, bab al-illa, et comment ils manipulent les asanides, ils auraient dit c'est de la sorcellerie. Sahih. Sahih. Ashia, c'est très dur à suivre. C'est très dur à suivre, et tu vois la compétence de haoula al-ulama. Des asanides minhuna, ils citent des causes, ils disent, hatta ils trouvent l'illa. قال سبب غامض خفي يقضح في صحة الحديث. Ce sabab qui est khafi, qui n'est pas apparent, il fait du mal صحة الحديث. فلهذا ils l'ont cité comme cinquième condition, il ne faut pas qu'il y ait de illa. Ça te montre أن un hadith ربما ظاهره في الصحة. Vous connaissez le célèbre livre de Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi, hadith mu'alla ظاهرها الصحة. En apparence, tu as les shurut. Tu vois le isnad, tu vois l'ittisal, tu vois qu'il n'y a que des udoul, tu vois que c'est des huffad, tu vois. Tu dis le hadith, il est sahih. Bah, les ulama, ils vont dire sahih. Un autre savant, il va chercher, il va trouver une illa. En fait, ce rapporteur, ce hadith, il n'a pas entendu un foulain. Les ma'adha, ils vont expliquer pourquoi. Il est adl. Et c'est un hafid, lakin ce hadith-là. Donc, ils vont dire hadith, il est mu'al. C'est pour ça que Cheikh Muqbil lui-même, rahmatullah alayh, quand il a écrit Al-Jami' al-Sahih, ou plutôt il a écrit awalan as-sahih al-musnad, il a écrit sahih al-musnad mimma laysa fi sahihayn. Beaucoup de hadiths, il a fait des recherches qui ne sont pas dans sahih al-Bukhari ni Muslim, mais ils sont sahih. Il les a mis dans un juz à part. Tout ça pour répondre à Ba'd al-Nas qui prétendait que le sahih c'est que dans le Bukhari et Muslim. En dehors de le Bukhari et le Muslim, il n'y a pas de sahih. Cheikh Muqbil, c'est un rad le livre qu'il a fait en haqiqa, sahih al-musnad. Rad ala hada al-rajul. Il lui a montré en deux volumes plein de hadiths qui ne sont pas dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, et ils sont Sahih. Donc il a écrit Sahih al-Musnad, et c'est un Musnad. Il l'a répertorié avec chaque nom de Sahaba. Il a commencé par Abu Bakr, etc. Thumma, il a écrit Al-Jami' al-Sahih. C'est les mêmes hadiths, sauf qu'il les a rattab comme Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Aïe, un tertib fiqhi. Il a commencé par Kitab Tahara. Il met un titre. Thumma, il prend min Sahih al-Musnad, et il met dans ce livre. Al-Hakika, c'est les mêmes hadiths. Sauf que le tertib, le premier, c'est un Musnad. C'est répertorié par le nom de Sahaba. Le deuxième, c'est répertorié à Abwab Fiqhiyya. Kitab Tahara, Kitab Salah, Kitab As-Siyam, Al-Zaka, Al-Hajj, etc. Pendant cette écriture, ces deux livres, ils lui ont pris des années, rahmatullah alayh. Il s'est aperçu que certains hadiths, il les avait jugés de sahih ou hasan. Avec les recherches, il s'est aperçu qu'ils sont mu'al. Il a trouvé des défauts. Il les a mis à part. Ça a donné 400 hadiths. Tabi al-Mawjoud, là. Je vous le montrerai. Ça a donné 400 hadiths, al-ahadith al-mu'alla, zahiruha as-siha. En apparence, il pensait que c'était des hadiths sahih. Avec les recherches, il a vu que c'était daif. Il les a mis dans un juz à part. Ça montre tamarat al-ilm. Andor, il a commencé par un kitab. Avec les recherches, avec les istimrar, ça a donné trois kitabs. Al-jami' al-sahih et ahadith mu'alla, c'est le fruit de as-sahih al-musnad. Rahmatullah alayhi. Tout ça pour vous montrer que al-illa, c'est quelque chose, c'est pas واضح. قال سبب غامض يخفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر سلامة الحديث منها. الظاهر c'est que le hadith il est sahih. Et خلاف العلماء, il est beaucoup dans ce genre de hadith. أما comme on a dit un hadith où l'isnad il est واضح. مثلا بعض العلماء disent هذا السند مظلم. مظلم, il est sombre. T'as un مجهول, t'as un كافر, t'as un زنديق, t'as un ضعيف. T'as un inqita de 300 ans, Rubama. Il dit Sanad Mudlim, Va'if, Bil-Ijma'. Talib ilm débutant, il va faire recherche de Sanad, il va voir un Zindir, un Rafidi, un inqita Kabir, il va dire Va'if. Hada, il n'y a pas de khilaf. Al-khilaf, il est fait Hada. Bahiru Sihab, lakin avec les recherches, on verra quelques exemples. Ça montre l'importance et le bienfait de ce ilm. Et Kadalik, ça montre les bienfaits de ces ulama. Qu'Imam al-Daraqutni, rahmatullah alayhi, c'était un spécialiste fil illa, rahmatullah alayhi. Et Ilal al-Daraqutni, imprimé en 15 volumes ou 13 volumes, Ilal al-Daraqutni. Kadalik Ilal ibn Abi Hatim. Kadalik le livre de Cheikh Muqbil, il est mukhtasar, c'est un mujallad. Kadalik Cheikh al-Albani, il a de la ajiba fi hada al-bab, rahmatullah alayhi. Qala wa qad ashara an-nazim ila hada al-shart bi qawlihi aw yu'all. Et inshallah, al-shudud wa al-illa, on verra en détail akthar fi li aqsam à la fin du livre, à la fin de la manzouma, il les a cités. Qala wa laysa ma'na hadha anna al-illa al-zahira la taqdah fi sihhat al-hadith. Lian al-an il parle de illa, un défaut khafi. Ça, c'est le mu'al. Ça ne veut pas dire que si le défaut est vahir, ça ne fait aucun mal. Là. قال إذا وجدت بل تقدح ولكن خصت العلة الخفية بالذكر تنبيها على التنبه لها لخفائها نعم أما si c'est un défaut واضح لا شك الحديث اللي ضعيف لكن ils ont précisé une علة خفية un défaut qui n'est pas apparent لأن c'est ça qui fait du mal et c'est ça que بعض الناس ils ont صحة des hadiths alors qu'ils étaient ضعيف قال لوجودها فيما تظهر صحته وسلامته منها فلا تعرف إلا بجمع الطرق والنظر في القرائن. L'importance de rassembler les أساني. العلماء أحيانا يتخوفين علة après avoir rassemblé des dizaines de chaînes de transmission. Ils se rendent compte que ce Rawi n'a jamais rapporté عن هذا. Malgré que c'est de عدول. En apparence, Fulan. En apparence, il y a un étisal. En apparence, c'est des udoul tous. Lakin, en rassemblant toutes les chaînes de transmission, il s'est rendu compte que ce rawi, il est adl. Lakin, inda hadha rawi, par rapport à cet autre rapporteur, là, il ne l'a jamais rencontré, il ne l'a jamais. Tout ça, c'est ça l'illa, al-khafiyya. قال هذه هي شروط الحديث الصحيح ولا خلاف في صحة ما وجد في هذه الشروط راجع مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح نعم. C'est cinq شروط. Les trois premiers s'ils sont présents, les deux derniers s'ils ne sont pas présents, ces cinq shurut, l'unanimité en al-hadith il est sahih. Wa la khilaf sihhat ma wujida fi hadhihi shurut. Naam. L'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, ils ont basé leur kitab sur ces shurut. Ils ont une différence dans certains shart, inshallah on verra. Lakin khassatan fi as-sama', ils ont un khilaf comme vous verrez dans les autres livres, amma fi al-jumla. Ces cinq shurut, c'est les shurut de Bukhari ou Muslim. On conclut avec un exemple. En min sharh akhina Turki al-Abdini. Prenez, vous l'avez le kitab, prenez le qism al-sahih. C'est pas les mêmes pages, on donne pas les pages, on n'a pas les mêmes livres. Prenez qism al-sahih. Il a cité les cinq shurut. Et vous verrez que ces deux shurut, ils ressemblent, la haqiqa. Il a cité, après avoir démontré les cinq conditions, qal mithal al-hadith al-sahih. مثال الحديث الصحيح. إيه سا كيف la différence entre ces deux شروح؟ أن الشيخ سعيد رحمة الله عليه il a pas cité d'exemple. إما الشيخ سعيد رحمة الله عليه il voulait les rajouter plus tard. تعلمون رحمة الله عليه il est décédé et il avait beaucoup de buhud, beaucoup de livres. Et ça, les علماء تعلمون أن ربما il écrit un livre et des années après il rajoute. Un frère le conseille, un de ses élèves, un autre شيخ. إما هذا il avait l'intention. إما il laisse هذا الباب مدرس. Et ça, c'est pas بعيد. Il laisse هذا. Il sait que ce livre en général, c'est un livre qui va être étudié. Les annales mustalah, tu peux pas lire tout seul. خاصة les premiers livres. Et le مدرس, c'est lui qui va appuyer avec le mithal qu'il veut. أو كذلك, un exercice pour les طلاب. Le مدرس, il dit aux طلاب, faites-moi une recherche d'un hadith صحيح pour demain. هذا تمام. Sans imposer. Les annales بعض الطلاب, ربما, il est occupé, ربما. لكن في الحقيقة الطالب الفطن الذكي توصل. Le lendemain, il fait des recherches. Maintenant, on va donner un mithal. Un tas demain matin, tout seul, sans personne. Il ne faut pas qu'on s'habitue toujours à être désassisté. Le système des madaris de kuffar s'est fondé sur hada, assisté. Ils essayent de les serrer le jour où ils grandissent. T'as fait l'autre, il ne veut plus de l'école. Maintenant, c'est du dit. Tu n'es pas obligé que ton professeur d'Aïman te dise fais ça. Et si tu ne fais pas, il te l'a. طالب الموفق tout seul le lendemain il emmène un mithal que le modéliste l'a pas cité et il lui montre, il lui dit moi j'ai compris hagada ce hadith, il lui cite la chaîne de transmission, il l'écrit et il applique les 5 shurut sur cette chaîne de transmission. Al modéliste lui dit tamam, hala sa talib il a compris et il fait des efforts. Amma ba'd at-tullab si tu lui dis pas il fait pas, ça c'est un khata. Limada lana il rentre chez lui, il pose le kitab, voilà, le lendemain s'il arrive 5 minutes avant il regarde, hala il avancera pas comme celui qui fait des efforts. فالنصيحه c'est هذا, faites des efforts خاصه dans ce genre de علوم, ça va vous ouvrir les portes à beaucoup de choses après. هذا فلعل شيخ سعيد il a pas cité حتى الطالب يفعل lui-même l'effort, il cite un exemple. مثال الحديث الصحيح قال اخونا الشيخ تركي العبديني حفظه الله تعالى. الشيخ تركي من اهل صعده, il est avec nous à Dammam, il a fait beaucoup d'efforts dans ce فن, بل il est متخصص فيه. Il a un char à l'Albaïkounia, il a un char à l'Al-Nuzha, il a un char à la Muqaddimah ibn al-Salah, il a fait beaucoup d'efforts dans les principaux livres de Mustalah. Il a de la quwa fi hada. Hafidahullah. Qala ma rawahu l'imam al-Bukhari. Rahimahullah fi sahihihi qal. Haddathana al-Humaydi. Al-Humaydi, il est connu parmi les grands mashayikhs de l'imam al-Bukhari. Qala Et il s'appelle, il cite son nom, Abdullah ibn Zubayr. Qala haddathana Sufyan. On va voir lequel de Sufyan. Quand il y a Sufyan, c'est Imma ibn Uyayna, Imma al-Thawri. Et al-Thawri, il est arfa. Sufyan al-Thawri, il est arfa min ibn Uyayna. Et les deux, c'est des grands imams. Comment les reconnaître? Ça dépend du shir et de l'élève. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Annahu sami'a Alqam ibn Waqqas. Al-Layfi, yaqul. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول le إسناد on a dit جهات الصحابي il y a aucun problème عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين من المبشرين بالجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الحديث المعروف Hadith, le premier qu'il a cité, l'imam al-Nawawi, muttafaqun alayh, l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, ils l'ont cité. Ce hadith, wadih, il est sahih. Lakin, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'appliquer les shurut. On va appliquer les shurut. Qala al-hadith, kama huwa ma'loum sahihun, fa huwa fi sahih al-Bukhari wa ghayri. Wa li tatbiq al-shurut sahih alayhi, nanzur fihi, fa nara anna shurut al-awwal, al-an il va appliquer, wa huwa attisal al-sanad, mutahakkakun fi hadith al-hadith. Naam. On ne va pas détailler chaque biographie pour voir les dates et l'akhiri. Lakin, wadih, celui qui a un peu d'ilm fi hadha al-bab, il reconnaît que le hadith est muttasil. Qala li anna kulla rawi min ruwadi sami'ahu min shaykhih. Al-imam al-Bukhari, son shaykh c'est al-Humaydi. Al-imam al-Bukhari qala haddathana al-Humaydi. Il l'a entendu min al-Humaydi. Al-Humaydi, son shaykh c'est Sufyan. Qala haddathana Sufyan. Sufyan, il m'a informé. Sufyan, son shaykh c'est Yahya ibn Sa'id, al-Ansari. Wahakada. دوزيام نختصر ثم ننظر في الشرط الثاني والثالث عدالة الرواة وتمام ضبطهما وعند تتبع حال رواته وأوصافهم في الكتب التي تعتني بتراجم الرواة والتعريف بهم ولنأخذ التقريب لمن حجر ça c'est مهم le premier livre pour que tu reconnaisses est-ce que ce narrateur il est ثقة أم لا le premier livre à utiliser c'est التقريب للحافظ لماذا لأن التقريب c'est خلاصة التهذيب livre en plusieurs volumes de l'Hafid. Et la l'akhas dans le taqrib. En te disant, Foulan, il est né telle date, il vient de tel pays, c'est un thiqa amla. Kadhalik, il est très simple. Il est sous forme de dictionnaire. Tu n'as plus qu'à chercher par ordre alphabétique, le rawi. Anta, le premier livre que tu utilises, c'est At-Taqrib ibn Hajar. Al-An, biographie de tous ces rapporteurs, min At-Taqrib. Bisura, l'an al-waqt dahab. Qala, Abdullah ibn Zubayr, ibn Isa al-Qurashi al-Asadi al-Humaydi. المكي أبو بكر ثقة حافظ فقيه ثقة حافظ فقيه قال أجل أصحاب ابن عيينة انظر avec les recherches tu استفد أن لسوفيان qui cité après عبد الله بن الزبير الحميدي ça sera سوفيان بن عيينة لماذا لأنه الحميدي c'est un grand élève de سوفيان بن عيينة فتا pas te poser la question est-ce que c'est ابن عيينة أو الثوري tu sais أنت donc un imam Ils l'ont qualifié Hafid Thiqa Faqih. Donc il a un haut degré fi al-Adala. Hatta il a rapporté قال الحاكم كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. Al-Bukhari, quand il avait le choix, plusieurs chaînes de transmission, il avait la chaîne de transmission al-Humaydi, il choisissait celle-là. Ça montre le niveau de cet imam. Donc, Thiqa, Hafid. Deuxième, Sufyan ibn Uyayna. ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي تأمل الحميدي لمن مكة المكي سفيان بن عيينة المكي كذلك ça montre qu'ils se sont rencontrés c'est un de ses élèves donc l'اتصال est واضح قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة سفيان بن عيينة c'est le haut degré في العدالة donc il n'y a pas de problème Troisième, Yahya ibn Sa'id ibn Qays al-Ansari al-Madani, Abu Sa'id al-Qadhi, thiqatun thabt. Thiqatun thabt, il n'y a aucun problème. Quatrième, Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid al-Taymi, Abu Abdullah al-Madani, thiqa. Vous avez remarqué, Yahya ibn Sa'id al-Madani, il est al-Madina, son sheikh, Muhammad ibn Ibrahim, kadalik al-Madina. Al-Ittisal, les deux, c'est des thiqat. Cinquième, Alqama ibn Waqqas, bitajdid al-Qaf. قال الليث المدني ثقة ثبت إلى أنيبو كذلك كذلك إذا في المدينة سيزيان عمر بن الخطاب صحابي جليل القدر ولا يبحث في الصحابة دقت الصحابي طبعا بزون تفق دي غشر ستوز دي عدو بل سي لو بلو أنيبو في العدالة donc pour l'instant n'y a aucun problème. قال فهذه الأوصاف التي ذكرت في الرواة تدل على عدالتهم وضبطهم التام وبهذا نكون قد تحققنا من صحة الإسناد ظاهرا. لماذا إلى سيدي ظاهرا؟ لأن الآن après avoir étudié, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas un imam qui a démontré une illa ou choudoud. Et il est connu, ce hadith, il a été accepté par l'umma muttafaqun alayhi, annahu, il n'y a pas de, il n'est pas shahad et il n'est pas mu'al. قال ويبقى النظر في الشرط الرابع وهو عدم الشدود وهذا الحديث محفوظ غير شاد إلى محفوظ عند العلماء تتخبغ بان سامون يدي الحديث إلى الشاد ضعيف أبدا قال ثم الشرط الخامس وهو عدم العلة وهذا الحديث ليس فيه علة ça ça te montre que ce علم خاصة les deux derniers شرطs الشدود والعلة tu dois revenir au أئمة لأن أنت tu peux pas savoir هذا Tu dois revenir à leur livre ou à quoi l'A'im. Fala yajouz, wa hadidi a hadith, khasatan fi sahihay, shad ou mu'al, et aucun savant l'a précédé. Là, ça c'est minat dhala. La yajouz. Ce bab, il est restreint à imma hufad, kaddara qutni, kalimam ahmed, kalimam al-bukhari, etc. Jusqu'à notre époque, les grands imams du hadith, ils sont ma'ruf, inda al-jami'. Hada, on voulait faire le premier qism en un cours, hatta vous réviser, hatta si vous voulez trouver des amthila. Ahsan, chaque qism, on essaye de le faire en un cours. Les gros qism, amma, quand ça sera des petits aqsam, on en prendra 2-3 filions. La yadur. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat, wal-afiyah, wal-salama, wa naktafi bihada al-qadr, walhamdulillah.